Right proudly out of the Dublin town, they're going to follow the fall. 'Twas better to die in its enraged sky than a silver or saddle bar. And from the plain of royal meat, strong men came ring through. While the Britannia's move with the great big guns, sailed in through the foggy dew. Salut, Shadows! Me voir, c'est un grand mot. J'avais, je l'ai plus, je l'ai désactivé. Hello Zig. Ouais, je l'ai désactivé comme bon, je m'en sers plus, j'ai plus la possibilité de, comme je suis au resto moi en permanence. Putain, j'ai toute la méthode, mais alors putain, je me rappelle même plus comment on fait. Je l'avais téléchargé sur le site de Ninjam justement. Enfin déjà, le principal, c'est de, suivant le FAI chez qui tu es, c'est d'arriver à ouvrir un port. Et ça, actuellement, c'est pas facile. Enfin, moi, je suis chez Orange, là, et c'est la vraie merde pour ouvrir un port chez eux. Écoute, je vais regarder de nouveau ça, et puis je vais essayer de remettre le truc en ligne sur EasyZig pour que tout le monde puisse l'utiliser. Je m'en servais quand j'étais encore à Grenoble pour donner les cours de guitare. Mais là, comme il y a 4 ans que je suis ici, il y a 4 ans que je ne l'ai pas remis en route et je ne sais même plus comment on fait. Ouais, mais ça marche bien, hein, en plus. Là, en ce moment, je suis plus préoccupé, moi, pour finir d'installer mon matos, pour justement arriver à finaliser les CD que j'ai mis en route. Et là, j'ai commandé des enceintes de monitoring. Parce qu'au casque, c'est la merde, et sur ma sono, c'est la merde aussi. J'ai pris des M-Audio. Des 40 watts M-Audio, je les ai essayés dans un magasin, là, chez un pote, là, qui vend que ça. Putain, ça donne pas mal, et rapport qualité-prix, c'est pas très cher. En plus, elles peuvent servir de retour de scène. Elles sont assez neutres, comme son, et 40 watts chaque enceinte. Ce sont merde, des enceintes actives, des enceintes amplifiées qu'elles-mêmes, avec tout dessus. Ça reste avec un son neutre, un son vraiment propre, quoi. Et au moins, t'es pas obligé d'utiliser ça à grande puissance quand tu fais du monitoring. Ben, j'ai une table à l'ESIS. Hein. Les M-Audio ont meilleure réputation et sont plus costauds. Hein. Surtout les dernières qui viennent de sortir, là. C'est des V40, mais ils ont complètement refait le truc. Le pote qui me les vend, là, qui a un bon magasin de musique dans le coin, là, il m'a dit vraiment super. Hein. Ouais, moi j'ai une petite, j'ai la table à l'ESIS et j'ai une petite Sono Yamaha, là, StagePass. Moi ça me suffit, comme moi je fais des petites salles. Hein. Bah, avec la Yamaha et ça, là j'ai déjà fait du plein air, 200 personnes. Il n'y a pas eu de problème, tout le monde entendait. Hein. Ouais, je vais regarder ça dans ces jours-ci, là. Ça fait plusieurs fois qu'on me le demande. J'avais fait un fichier PPS et puis il a disparu, je sais pas où il est en plus, et je l'ai plus sur le PC moi. La brume du matin plane sur la rivière. Sur les champs alentours, une petite gelée blanche me rappelle que ce n'est que la fin de l'hiver. Les montagnes enneigées vident leurs avalanches. Pas froid, les vaches. Quand j'en vois une, ça m'émeut. Ben, je passe directement par la Lesis, hein, là, c'est une table USB. Thank you.